الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va donc commencer aujourd'hui le cours numéro 15 dans Al-Fusul fi Sirat al-Rasul de l'imam Al-Hafidh ibn Hajar, Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah. Et aujourd'hui on parle de On continue donc dans notre cours avec Ghazwatu Bani Nadir, la bataille de Bani Nadir. Et on a déjà expliqué dans le passé qu'il y avait plusieurs tribus juives qui vivaient à Médine. Et il y avait Bani Qaynuqa, il y avait Bani Qurayza et il y avait Bani Nadir. Donc on a expliqué qu'il y a eu des batailles entre les musulmans et plusieurs d'entre ces tribus juives. Et on a vu la première d'entre ces trois batailles, ou bien une d'entre ces batailles, il y en a eu plusieurs. La première, c'était avec Bani Qaynuqa. C'était après la bataille de Badr, parce qu'ils avaient trahi leur entente avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, c'est celle qu'on va lire aujourd'hui, Bani Nadir, la bataille avec Bani Nadir. Hein? Et la troisième, c'est avec Bani Qurayza, après la bataille de Khandaq. La bataille avec Bani Nadir, c'est après la bataille de Uhud. Oui, c'est ça. Ok, donc on a expliqué dans le cours précédent, bon, ça fait un bout de temps là déjà, j'avoue. Mais on a expliqué qu'il y a eu des événements qui s'étaient passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a expliqué qu'après la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un nombre d'entre ses compagnons pour aller faire da'wah dans Najd et qu'il avait envoyé 70 parmi les meilleurs d'entre les musulmans à l'époque pour faire la da'wah aux gens du Najd, et ils avaient avec eux une lettre, hein, de la part d'un des seigneurs de cette région ou des chefs de cette région qui leur garantissait sécurité et protection s'ils passaient dans cette région là et qu'on ne devait pas les agresser ou leur faire du tort. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, malgré qu'ils avaient cette lettre, hein, le chef de cette partie ou de cette région n'a pas respecté ce qu'il devait respecter, et puis il a tué malgré tout un nombre d'entre les sahaba, dont 70 parmi eux. Et il y en a un parmi ceux-là qui s'étaient enfuis et qui a raconté qu'est-ce qui s'était passé. On a expliqué aussi que en chemin vers le retour, il y a eu d'autres expéditions, puis il y a eu d'autres choses qui se sont produites. Il dit. Donc au dernier cours on disait وَرَاجَعَ عَمْرِ بْنُ أُمَيَّةَ عَمْرِ بْنُ أُمَيَّةَ فَلَمَّا كَانَ بِالْقَرْقَرَةِ مِنْ صَدْرِ قَنَاءَ نَزَلَ فِي ظِلٍ وَجِيءَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي كِلَابٍ وَقِيلَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَنَزَلَ مَعَهُ فِيهِ فَلَمَّا نَامَ فَتَكَ بِهِمَا عَمْرٌ وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه. نعم. C'est ça. Donc par rapport à cette histoire qu'on a dit, quand il y a eu les 70 musulmans qui ont été tués, il y avait Amr ibn Umay al-Damri et Al-Munzir ibn Muhammad ibn Uqba qui sont partis dans cette direction-là, là où les sahaba ont été tués, ils ont vu au loin des oiseaux qui tournaient, hein, des vautours ou des animaux. Il y a des animaux comme ça qui, quand il y a des morts, eux ils se nourrissent des morts, c'est des charognards. Et donc quand ils ont vu ça de loin, ils ont compris qu'il y avait, quelque chose qui se passait à cet endroit-là. Alors ils sont partis, là-bas, puis une fois arrivés là-bas, ils ont vu que il y a des musulmans qui ont été tués. Ils ont vu qu'il y avait des sahaba qui avaient été tués. Et non, فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر ابن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه. Donc Al-Munzir est allé à l'endroit où il y avait les musulmans qui avaient été tués, et il a voulu combattre donc à ce moment-là contre les mushrikines, mais il s'est fait tuer avec ses compagnons lui aussi, il a été tué. Et Amr ibn Umayya, par contre, lui, il a été pris prisonnier. Le deuxième, hein, il a été pris en prisonnier. Et Naam, il a été épargné à cause de quelque chose, une faveur que quelqu'un de sa tribu avait fait au chef de cette région-là. Donc, il l'a laissé partir. Alors, Amr ibn Umayya est reparti. Et c'est là qu'en chemin vers le retour, il s'est arrêté vers un endroit où il y avait de l'ombre et des arbres. Et il a vu deux hommes de Bani Kilab. Certains ont dit que c'était des hommes de Bani Sulaym. Et il les a vus donc à cet endroit-là. Il a attendu qu'ils s'endorment, puis il les a tués. Pour venger ses compagnons qui étaient morts. Hein, pour venger ses compagnons qui étaient morts. Alors, lorsqu'il est rentré à Médine et qu'il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a raconté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui s'était passé. Et hein, il lui a dit que il avait tué ces deux hommes avant de rentrer. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il n'a pas été content de ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ces deux hommes qui avaient été tués faisaient partie des gens qui étaient sous la protection d'une entente de paix avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il allait devoir, à cause de ça, payer le sang de ces deux hommes. Il allait devoir, à cause de ça, payer le sang de ces deux hommes. Et vous savez que la dia pour la vie d'une personne, c'était à peu près la valeur de 100 chameaux. Donc c'est beaucoup. Donc il a dit, ces deux hommes, on va devoir payer la dia pour eux. Et c'était ça, en fait, qui a été une des raisons qui a été par la suite la cause de la bataille avec Bani Nadir, la tribu des juifs de Bani Nadir. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les événements qui s'étaient produits auparavant. Donc, en ce qui concerne l'histoire de Bani Nadir, ça s'est produit à quel moment? في شهر الربيع في شهر الربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة. Ça s'est produit dans le mois de Rabi' al-Awwal de la quatrième année après la Hijra du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a mentionné une des causes pour cette bataille, hein? Donc c'est à cause de yani, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu besoin donc de payer la dia pour ces deux hommes qui avaient été tués. Et vous savez que, étant donné que Bani Nadir faisait partie des alliés des musulmans, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signé une entente avec eux qu'il devait protéger Médine en cas d'attaque des gens de l'extérieur, puis qu'il devait également donc, étant donné qu'ils sont des alliés, doivent partager aussi lorsqu'il y a des compensations, des peines à payer comme ça. Lorsque quelqu'un est mort, ils doivent participer et aider les musulmans pour régler ces problèmes-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti vers eux pour réclamer de l'aide de la part des juifs pour qu'ils payent cette dia. Et donc Mais il y a d'autres raisons aussi qui ont été mentionnées, parce qu'une fois qu'il est arrivé là-bas, ils ont essayé de le tuer. Donc c'est ça qui a été en fait la cause de cette guerre contre Bani Nadir. Al-Ghazwatu wa li hadhihi al-ghazwa thalathatu asbab. Al-awwal anna Quraishan arsalat ila al-yahud wa haddadathum bil harb in lam yuqatilu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fastajaba Bani Nadir li dhalik wa wada'u khittah li yani yaqtuluna biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ghadaran. Donc Quraish, premièrement, Quraish avait envoyé aux Juifs un message pour les menacer de faire la guerre contre eux s'ils ne combattaient pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Banu Nadir a répondu à cette demande en dessinant ou en planifiant quelque chose pour tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par trahison, puisque ce sont les alliés des musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé une entente avec eux. Donc s'ils attaquent les musulmans ou s'ils essaient de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça représente dans ce cas-là une trahison de leur part. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم في 30 رجلا من أصحابه ليلتقي ب30 من أحبارهم في موضع وسط، فإن صدقوه آمنت يهود، فاستكثروا العدد وخافوا، فاقترحوا أن يأتوا وثلاثة من أصحابه ويجتمعوا مع ثلاثة من أحبارهم، وقد حمل الأحبار خناجره، ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لأخ مسلم لها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عنهم، ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاء، ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح، وكانت منازلهم غرب مسجد قباء. Donc il y a une autre chose aussi, c'est que Banu Nadir, ils avaient voulu organiser quelque chose donc par rapport à cette ruse qu'ils voulaient préparer pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien faire du tort aux musulmans, et ils ont donc invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam à envoyer 30 parmi ses compagnons pour rencontrer 30 parmi les rabbins à un endroit pour discuter avec eux, et que à ce moment-là, s'ils venaient, ils allaient croire. S'ils allaient venir, ils allaient accepter l'islam. Et ils ont trouvé que le nombre était un peu trop grand, alors ils ont eu peur à ce moment-là. Ils ont demandé, au lieu de 30, d'envoyer 3 parmi les compagnons, puis eux, ils ont envoyé 3 parmi les rabbins. Et eux, ces rabbins-là ont amené leur poignard avec eux, et ils avaient l'intention donc d'attaquer de ces musulmans-là, sauf que leur plan a été dévoilé à cause d'une femme dont le frère était musulman parmi les juifs, qui a informé son frère, et son frère a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils ne sont pas partis, ils sont revenus. Et il s'est préparé pour les encercler avec son armée jusqu'à ce qu'ils arrivent à cet endroit-là, près de la mosquée Quba, pour se préparer à les combattre. Il dit ثانياً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين الذين قتلهما عمرو بن أمي الضمري رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه في الديات، فأتى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فصلى فيه ركعتين ومعه نفر من أصحابه، ثم أتى بني النضير فكلمهم فقالوا له نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم. فلما خلى اليهود ببعضهم قالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن رجل يعلو هذا البيت ويلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه. Donc il dit que l'explication de qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parti vers Bani Nadir en leur demandant de l'aide pour payer la diyya des deux hommes qui avaient été tués par Amr ibn Umayya, puisque ils devaient payer la diyya. Puis étant donné qu'ils avaient une entente avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les juifs devaient aider les musulmans lorsque quelqu'un était tué. S'il y avait une diya à payer, les juifs avaient l'engagement d'aider les musulmans à payer cette diya. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec quelques compagnons avec lui jusqu'à la mosquée Quba. Ils ont prié deux raka'at, puis après ils sont partis voir les juifs de Bani Nadir, et il leur a parlé et il leur a expliqué ce qu'ils voulaient. Ils ont dit d'accord Abul Qasim, oui Abul Qasim, on va t'aider, on va t'aider pour ce que tu veux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis au bord d'un mur parmi les murs de leur maison. Donc il s'est assis au bord du mur et il a attendu qu'ils reviennent, que les juifs reviennent. Et pendant qu'il était assis en train d'attendre, il était avec Abu Bakr et Omar et Ali radiyallahu anhum et d'autres parmi les compagnons aussi. Donc ils étaient assis en train d'attendre, et pendant qu'ils attendaient, les juifs entre eux, ils se sont réunis et ils ont dit: vous n'allez pas trouver le prophète, vous n'allez pas trouver Mohammed dans cette situation une autre fois. Donc en voulant dire, c'est une occasion pour nous de le tuer et de l'assassiner. Donc ils ont dit: montez au-dessus de la maison à côté de laquelle il se tient, avec un rocher, un gros rocher, et puis vous lui lancez pour le tuer. Après on va être débarrassé de lui. Alors il dit: فانتدب لذلك رجل منهم وهو عمرو ابن جحاش ابن كعب فقال انا لذلك فصعد ليلقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأخبره بما أراد القوم فقال مظهرا أنه يريد أن يقضي حاجته وترك أصحابه في مجلسهم ورجع سريعا إلى المدينة فلما أبطأ على أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه فقال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود بني بما أرادت يهود من الغدر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربهم والسير إليهم ونزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a un homme parmi les juifs qui s'appelait Amr ibn Jahash ibn Ka'b. Amr ibn Jahash ibn Ka'b, il a dit: moi je vais le faire. Il est monté en haut, puis il avait l'intention de jeter le rocher sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Mais pendant ce temps-là, Jibril alayhi salam a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, puis il est parti. Il a fait croire qu'il allait juste pour faire ses besoins quelque part, et puis il est parti et il est rentré à Médine. Et les sahabas qui étaient restés là-bas, eux, ont commencé à se poser la question: où est-ce qu'il est le messager d'Allah, puisqu'il n'est pas revenu tout de suite? Alors ils se sont dirigés vers Médine, et en chemin ils ont vu un homme, hein, qui est venu de Médine pour leur dire: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de la ville. Alors ils sont rentrés vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'ils sont arrivés près de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé de ce que les juifs avaient l'intention de faire comme trahison, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné à ce moment-là de combattre Bani Nadir. Et il cite que c'est à ce sujet que le verset 11 avait été révélé dans Suratul Ma'ida. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: ô les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous en vue de vous attaquer, et qu'il repoussa leur tentative. Et craignez Allah, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Donc ça, c'est l'autre raison de cette bataille. Puis la troisième explication, c'est yani la suivante. Il dit: الثالث أن بني النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوهم على العورة عندما نزلوا بأحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرضوا المشركين على قتال المسلمين فكانت غزوة أحد ولهذه الأسباب أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير عن المدينة لأنهم غدروا ونقضوا العهد فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأمرهم أن يخرجوا من المدينة فلا تشاركوني بها وقد هممتم بما هممتم من الغدر ومن رؤيا بعد ذلك ضربت عنقه فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون للجلاء فلما سمع بهم المنافقون أرسل إليهم ابن سلول أن لا تخرجوا من دياركم إنا معكم فقويت عند ذلك نفوس يهود بني النضير فأرسل سيد بني النضير حيي ابن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لن نخرج من ديارنا ونابذوه بنقض العهود وفيهم نزل قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنكم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم التجأوا إلى حصونهم فقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة يعني فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره بقطع نخيلهم وتحريقها وفي ذلك نزل قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فاستنزلهم المسلمون من حصونهم وأمروهم بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرعابا لقلوبهم وتخلى المنافقون عن نصرة يهود وكان مثلهم مثل المنافقين وكان مثلهم ومثل المنافقين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Donc le cheikh il explique ensuite que Bani Nadir ils étaient infiltrés, ils avaient collaboré avec Quraysh dans la bataille de Uhud. Et ils avaient indiqué aux mouchriquins les secrets des musulmans pour les aider dans leur guerre contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont encouragé les mouchriquins à combattre les musulmans dans la bataille de Uhud. C'est ce qui a été à l'origine donc de la bataille de Uhud. Et à cause de ces raisons-là, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a voulu expulser Bani Nadir de Médine et les faire sortir parce qu'ils avaient trahi et ils avaient brisé leur engagement et leur entente avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu pour leur dire de sortir. Sortez de Médine, vous n'allez plus être vous n'allez plus être ensemble avec moi à Médine. Et vous avez eu l'intention de faire ce que vous avez eu l'intention de faire comme trahison. Et celui d'entre vous qui sera vu après cela, c'est-à-dire après qu'on vous ait expulsé, il va être frappé, il va être tué. Alors ils ont commencé à se préparer pour quitter Médine et pour être expulsés. Et lorsque les hypocrites de Médine ont entendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait expulser les juifs de Médine, le chef d'entre eux, le chef des hypocrites, Ibn Saloul, il a été voir les juifs et il leur a dit « Ne sortez pas, on est avec vous ». On va vous aider, on va vous supporter. Alors à ce moment-là, quand les juifs ont vu qu'il y avait des munafiqines qui étaient avec eux et qu'ils allaient les défendre ou les supporter, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le chef des juifs a envoyé Huyay ibn Akhtab vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire on va pas sortir, on va rester finalement et on rejette notre accord et notre alliance, ça y est, c'est fini. Alors ils se sont sentis forts parce qu'ils avaient le support des munafiqines avec eux, Allah musta'an. Et ils ont cité, donc ils citent le verset à ce sujet là de 11 à 13 dans Surat Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ce qui signifie, n'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous, et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes, et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos. Puis, ils ne seront point secourus. Et il dit ensuite, vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont plus peur des croyants que d'Allah lui-même. Et c'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Donc ça c'est les versets que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à propos de cette bataille là, hein, la bataille de Bani Nadir, sourate Al-Hashr dans le Coran qui parle de ça. Il dit fasara ilayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti vers eux avec ses compagnons. Il a laissé derrière lui à Médine Ibn Maktoum comme responsable. Puis les Juifs, eux, se sont cachés derrière leur forteresse. Hein? Se sont cachés derrière leur forteresse et ils ont commencé à tirer des flèches et lancer des pierres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a assiégés pendant plusieurs, une longue durée de temps, il les a assiégés et les musulmans ont commencé à brûler leurs palmiers, hein, leurs dattiers et leurs arbres, pour les punir. Donc ils commencent à couper leurs palmiers et à les brûler. Et ça c'est mentionné dans le verset 5, dans Sourate Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé de vous sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'humiliation les pervers. Hein? Et il dit donc les musulmans les ont forcés à sortir de leur forteresse et ils leur ont ordonné de couper leurs propres palmiers pour les humilier eux-mêmes et pour mettre la crainte dans leur cœur. Et les munafiqoun, eux, n'ont rien fait pour les supporter et pour leur venir en aide. Hein? Les munafiqoun qui avaient eux-mêmes promis qu'ils allaient les supporter, les défendre et les aider contre les musulmans, et finalement, ils n'ont même pas rien fait. Ils n'ont rien fait. Et ils ont agi comme le shaitan, il mentionne comme Allah il mentionne à propos du shaitan dans le verset 16 et 17 dans Surat Al-Hashr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme, hein, rejette la foi. Puis quand il a rejeté la foi, il dit, je me désavoue de toi, car j'ai peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, il ordonne à l'homme de faire le kufr, puis une fois qu'il a fait le kufr, lui il dit, moi je me désavoue de toi parce que moi j'ai peur d'Allah. Subhanallah. Donc les juifs, les munafiqoun, ils ont agi comme ça avec les juifs. Hein? Ils ont dit aux juifs, rejetez ne partez pas, on va vous aider, on va vous défendre. Puis une fois que, les musulmans sont venus, au lieu de les défendre, ils les ont abandonnés. Et le verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. Et ils eurent comme pour destinée d'être tous les deux dans le feu, pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. فَقَذَفَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ في قلوب يهود بني النضير الرعب واشتد الحصار عليهم وأيقنوا أن حصونهم لم تمنعهم من الله فعند ذلك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا السلاح وفيهم نزل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Hein? Donc le verset en question, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a jeté la crainte et la peur dans leur cœur, dans le cœur des juifs de Bani Nadir, et le siège contre les juifs a été de plus en plus dur pour eux, et ils en sont venus à la certitude que leur forteresse ne serait plus capable de les protéger contre Allah. À ce moment-là, ils ont fait une entente, hein, avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour accepter d'être, hein, de s'en aller et de partir, de quitter, avec ce qu'ils pouvaient mettre sur leur chameau, comme bien et comme richesse, sauf les armes. Hein, en voulant dire, on va partir, tout ce que nos chameaux sont capables de porter, on l'amène avec nous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce qu'ils pouvaient comme richesse et comme bien, puis ils sont partis. Et pour pas que les musulmans profitent ou utilisent leur maison, ils ont commencé à eux-mêmes détruire leur propre maison. Hein, c'est pour ça qu'Allah il dit dans le verset, يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ. Il cite les versets dans Surat Al-Hashr, le verset 2 et 3, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: c'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode, les gens yani Bani Nadir. Il dit: Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux de là où ils ne s'en attendaient point, et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, il les aurait certes châtiés au feu ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Donc, ensuite, il dit: فَحَمَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ الْإِبِلِ وكانت 600 بعير وكانوا يهدمون بيوتهم بأيديهم ليحملوا ما استحسنوه من الأبواب والنوافذ وغيرها حتى لا ينتفع بها المسلمون من بعدهم وسار أكثرهم وأشرافهم كسلام بن أبي الحقيق أو نعم وكنانة ابن الربيع وحيي بن أخطب وغيرهم إلى خيبر وسارت جماعة منهم إلى الشام. Donc ils ont pris avec eux les biens qu'ils étaient capables de prendre sur des chameaux, et ils avaient à peu près 600 chameaux. Donc 600 chameaux, ils ont mis dessus qu'est-ce qu'ils pouvaient, et ils brisaient et détruisaient eux-mêmes leurs maisons avec leurs mains pour ramener ceux qui étaient encore bons, hein, et qu'est-ce qu'ils pouvaient encore utiliser, comme les portes et les fenêtres, hein, et pour pas que les musulmans puissent en profiter et les utiliser après eux. Et donc, la plupart d'entre eux sont partis, parmi eux les nobles, comme Salam ibn Abi al-Huqiq, et Kinana ibn Rabi' et Huyay ibn Akhtab, et d'autres également, qui étaient parmi eux les nobles, et ils sont partis vers Khaybar. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont partis, un autre groupe qui sont partis vers Asham, vers la Syrie, la Palestine, cette région-là. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam مَا تَرَكُوهُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالسِّلَاحِ وَكَانَتْ أَمْوَالُ بَنِ النَّضِيرِ وأرضهم يعني ديار وديارهم كانت ديارهم أرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها حيث يشاء ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب كما قال سبحانه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم خاصة لفقراء لفقرهم ولذلك أغنى الله المهاجرين وأزال فاقتهم وكان صلى الله عليه وسلم ينفق مما بقي منها على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وكان بعد ذلك يرد عليهم متفق عليه ونزلت سورة الحشر كلها في بني النضير وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شرهم وكيدهم. Ok, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris ce qu'ils ont laissé comme bien et comme armes également, et les biens de Bani Nadir ainsi que leurs terres et leurs maisons. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui les a pris, et qui, dans le sens qu'il pouvait faire avec ce qu'il voulait, il n'a pas pris un cinquième. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme butin. Et il mentionne le verset 6 dans Surat al-Hashr justement, qui est révélé à ce sujet, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit le butin provenant de leurs biens et qu'Allah a accordé sans combat à son messager, vous n'y aviez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à son messager la domination sur qui il veut et est omnipotent. Donc ensuite les versets suivants, Allah subhanahu wa ta'ala dit le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, au messager, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition, et il appartient aussi aux muhajirin, qui sont dans le besoin et qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'il portait secours à la cause d'Allah et de son messager. Ceux-là sont les véridiques, et il appartient également, c'est-à-dire le butin, à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui aiment les muhajirines, ceux qui ont fait la hijra vers eux, et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les muhajirines ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, alors ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il dit également ensuite que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné la plupart de ces biens-là aux muhajirin, et il les a séparés entre eux, en particulier à cause de leur pauvreté. Et c'est par cela que Allah a enrichi les muhajirin et les a fait sortir de leur pauvreté, parce que les muhajirin, beaucoup d'entre eux, barakallahu fik, beaucoup d'entre eux, les muhajirin, avaient quitté la Mecque avec rien du tout. Ils avaient rien. Ils étaient dans une situation de pauvreté jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur donne justement les biens des juifs de Bani Nadir et leur demeure. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont été enrichis, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également pris de cet argent pour venir aux besoins de sa famille pendant une année, et le reste il a pris les armes pour préparer pour les croyants. Et donc il y a eu, il dit qu'il y a eu Surat al-Hashr qui a été révélée à propos de Bani Nadir, c'est à ce sujet là et qui mentionne l'expulsion de Bani Nadir, et que ça a été un bien pour les musulmans, puisque les musulmans à partir de ce moment là ont été épargnés de leurs ruses et de leurs mal. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين أخرجه البخاري. ولم يتوقف زعماء يهود بني النضير عن مكائدهم بعد كل هذا، وقد حرض زعماؤهم الأحزاب، فكانت غزوة الخندق كما سيأتي في موضعه. Donc qu'est-ce qui est arrivé, donc c'est que comme on l'avait dit plus tôt par rapport aux batailles qui se sont produites avec les juifs, entre les musulmans et les juifs de l'époque, il y a eu la bataille avec Bani Qaynuqa après Badr, la bataille de Bani Nadir après Uhud, et la bataille avec Bani Qurayza, ça a été après. Pour la bataille avec Bani Nadir, il les a expulsés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expatriés, puis il leur a ordonné de quitter là où ils étaient. Ils habitaient près de la mosquée Quba, c'était là leur quartier, et ils sont partis vers Khaybar, la région de Khaybar. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite, ils ont continué à planifier, à faire des ruses contre les musulmans, et c'est ça qui a été une des causes justement de la bataille de Al-Ahzab qui s'est produite un peu après. Donc, malgré qu'ils ont été expulsés et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a laissé une chance, ils n'ont pas profité de l'occasion pour rester en paix. Ils ont continué à faire des ruses et à faire des problèmes et à inciter les musulmans, à inciter les mushrikines contre les musulmans. Et c'est ça qui a eu comme conséquence qu'il y a eu la bataille de Al-Ahzab par la suite. Et Bani Qurayza a joué un rôle aussi dans cette bataille-là. Et c'est pour ça qu'après après la bataille de Al-Khandaq, il y a eu la guerre contre Bani Qurayza par la suite. Et plus tard encore, il y a eu la guerre contre les juifs de Khaybar. Ceux qui avaient été expulsés à Khaybar, eh bien, étant donné qu'ils avaient continué à faire des problèmes, eh bien, les musulmans, par la suite, après Al-Hudaybiyah, je crois, il y a eu la bataille contre les juifs de Khaybar, et là, c'est là qu'il les a expulsés complètement. Donc, Bani Nadir ont été expulsés, puis comme on va voir plus tard, Bani Qurayza, ça a été une autre histoire avec eux, à cause de leur trahison. Donc on va résumer tout ça. نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعينوا على ذينك القتلين أو القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف أو من الحلف. فقالوا نعم، وجلس صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم تحت جدار لهم، فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا من رجل يلقي بهذا الرخاء الرحاء على محمد فيقتله فانتدب لذلك عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله بما هم به ونهض صلى الله عليه وسلم من وقته بين أصحابه فلم يتناهى دون المدينة وجاء من من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه وأخبرهم بما أعلمه الله من أمر يهود فانتدب الناس إلى قتلهم إلى قتالهم فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. Donc ça c'est le résumé de tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au fait qu'ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la pierre qu'ils ont voulu jeter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam du haut du mur, c'était en réalité une pierre d'un moulin. Vous savez que les moulins, comment ça fonctionne? En général, il y a une pierre qui tourne pour écraser le blé ou pour écraser les grains, et c'est ce qui fait que ça se transforme en farine. C'est une grosse pierre qui tourne à l'intérieur du moulin. Et cette pierre-là, c'est la pierre qu'il voulait lancer sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose de très lourd, hein, et c'est sûr que si ça tombe sur quelqu'un, il est fini. Donc, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a su que c'était ça leur plan, Allah lui a fait savoir et il est parti. Donc, les musulmans ont assiégé les juifs de Bani Nadir pendant 6 nuits. وذلك ربيع الأول فحصرهم ستة ليال منه وحينئذ حرمت الخمر. Et c'est pendant cette période que l'alcool a été interdite. Pendant cette période que l'alcool a été interdite. كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. Donc c'est ce que Ibn Hazm a mentionné. Il dit, je ne l'ai pas vu de d'autres personnes. C'est-à-dire, je n'ai pas vu ça mentionné par d'autres personnes que lui. C'est-à-dire, par d'autres personnes que Ibn Hazm. Il dit, وَدَسَّ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أُبَيْ بِنْ سَلُولُ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَى بَنِ النَّظِيرِ. أَنَا مَعَكُمْ نُقَاتِلْ مَعَكُمْ وَإِنْ أُخْرِجْتُمْ خَرَجْنَا مَعَكُمْ. Donc, l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites, est allé voir les juifs, puis leur a dit, on va rester avec vous, on va vous défendre. Si vous êtes expulsés, on va sortir avec vous aussi. Donc, eux, ils ont été trompés par ça. Ils ont cru qu'ils avaient un support. Alors, ils se sont enfermés dans leur forteresse, puis ils pensaient qu'ils allaient être capables de se défendre. Et puis, vous savez, le reste, comme on l'a mentionné. وَلَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُولَانِ. Donc, il y a un groupe qui est parti à Khaybar, un autre groupe qui est parti vers la Syrie, vers la Palestine. Et il dit, il y a seulement 2 hommes parmi eux qui se sont convertis. وَهُمَا أَبُو سَعْدِ إِبْنْ وَهْبْ وَيَامِينَ ابن عمير ابن كعب وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا لما كان قد هم من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرز أموالهما وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة. Donc, parmi les deux juifs qui se sont convertis à l'islam, il y a Abu Sa'd ibn Wahb et Yamin ibn Umayr ibn Ka'b. Hein, c'était le neveu de Amr ibn Jahash qui voulait tuer justement Le prophète, son neveu s'est converti à l'islam et il avait même donné une récompense pour celui qui tuerait son oncle, qui avait essayé de tuer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pris, comme on l'a dit, les biens des juifs de Bani Nadir. Il l'a donné aux muhajirin, les premiers qui étaient venus. La plupart d'entre eux, comme on l'a dit, ils étaient pauvres. Puis il dit, illa annahu a'ta Aba Dujana wa Sahl ibn Hunayf al-Ansariyin li faqrihima. Donc il l'a donné aussi parmi les Ansar, Abu Dujana et Sahl ibn Hunayf, parce qu'ils étaient pauvres. Wa kanat amwaluhum mimma afa Allahu ala rasulih wa lam yujaf. لم يوجد الإجحاف إضاع في السير وهو الإسراع والمراد أنهم لم يلقوا بها حربا ولا مشقة مشوا بها مشيا فلم يركبوا خيلا ولا إبل. أي نعم. Donc ils n'avaient pas utilisé de chevaux ni de monture, rien, parce que c'était pas loin. Donc ils n'ont pas eu besoin d'utiliser quoi que ce soit de ces choses-là. Puis il n'y a pas eu de combat non plus, puisqu'ils ont seulement assiégé la place, puis ils se sont rendus. Donc à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris cela comme étant un butin. Tout leur bien a été pris comme un butin. Et il l'a distribué selon ce qu'il a vu comme étant le plus utile et le plus bénéfique. Ghazwatu Zat al-Riqa'. Ensuite, Ibn Kathir, il parle d'une autre bataille qui s'appelle Ghazwatu Zat al-Riqa'. Ghazwatu Zat al-Riqa'. Il dit, en fait, dans cette histoire qu'il va mentionner là maintenant, il explique que ça se passait dans Jumad al-Ula de la quatrième année, le mois de Jumad al-Ula de la quatrième année. Sauf que d'après ce que Ibn Kathir explique par la suite, c'est que il y a des divergences entre les historiens à propos de cette bataille là et certains parmi les historiens disent que cette bataille ne s'est pas produite après la bataille de Uhud, mais plutôt après la bataille de Al-Ahzab. Donc certains ulama de Sira, ils considèrent que cette bataille-là ne s'est pas produite à ce moment-là, mais plus tard. Et c'est ça que Ibn Kathir explique maintenant. Et il mentionne les raisons pourquoi ils divergent et c'est quoi les preuves qui ont été rapportées pour justifier que cette bataille-là ne s'était pas produite à ce moment-là. Donc il dit wa qanata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shahran yad'u 'ala alladhina qatalu al-qurra ashabu bi'r ma'una. Pendant un mois complet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le qunut dans la prière. Et il faisait des du'as contre ceux qui avaient tué les savants parmi les sahaba qui avaient été envoyés à Bi'r Ma'una pour leur enseigner l'islam et qui ont tous été tués, les 70. Donc il faisait du'as dans la prière contre les mushrikines qui les ont tués. Thumma ghaza ghazwat dhat al-riqa'. Puis il a combattu la bataille de Zat al-Riqa' wa hiya ghazwatu Najd. Donc c'est là qu'il voulait partir pour aller venger justement et tuer ceux qui avaient tué les sahaba, ses compagnons qui avaient été pour partir pour enseigner l'islam dans cette région-là. Et comme on a expliqué, ceux qui sont partis là-bas, ils avaient une lettre de protection de la part d'un des chefs de la région qui leur promettait sécurité et asile. Donc ils n'avaient pas le droit de les attaquer. Hein? C'est-à-dire les 70 sahabas sont partis vers la région de Najd, l'endroit qu'on appelle Bi'r Ma'ouna. Et si je me souviens bien, c'était à peu près, c'était une bonne distance, plusieurs kilomètres loin de Médine. En tout cas, une fois arrivés là-bas, ils ont rencontré les gens de Ghatfan, et puis ils ont tous été tués. Allah musta'an. Donc c'est ça que ici, qu'est-ce qui est arrivé? Ils disent que ça s'est passé à ce moment-là. Et les savants, ils divergent. Ils disent que c'était pas à cette période-là que ça s'est produit. Puis il va mentionner pourquoi. Ils ont appelé cette bataille Zat al-Riqa', ils l'ont aussi appelé Ghazwat al-Najd, la bataille du Najd. فخرج في جماد الأولى من السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد ابن غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري فصار حتى بلغ نخلا فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير وقد استشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وكان المشركين يومئذ خالد بن الوليد وكان صلاة الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti Jumad al-Oula, le mois de Jumad al-Oula de la quatrième année, pour combattre Bani Tha'laba et Ibn Sa'd al-Ghatfan, Ibn Ghatfan, et il a laissé Abi Dharr comme responsable de Médine pendant son absence. Ils sont donc partis jusqu'à ce qu'ils arrivent vers des palmiers. À cet endroit-là, ils ont rencontré un groupe de Ghatfan. Et donc, ils se sont arrêtés. Il n'y a pas eu de combat entre eux. Et il acceptait qu'il a prié avec eux la prière de la crainte. D'après ce que Ibn Ishaq, un des savants parmi les historiens, ont mentionné. Et d'autres également parmi les savants de la Sira ont mentionné ça aussi, qu'ils ont prié Salat al-Khawf, la prière de la crainte. Sauf que les ulama ont trouvé ça problématique de mentionner qu'il a prié la prière de la crainte à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que selon la narration de Shafi'i, de Ahmad et de An-Nasa'i, selon Abu Sa'idin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été retenu par les mushrikines le jour de la bataille de Khandaq. Et ils n'ont pas pu faire le dhuhr, ni l'asr, ni le maghreb, ni l'isha. Et ils les ont priés tous ensemble à la fin, parce qu'ils ont été empêchés de les faire à cause des mushrikines. Et c'est à ce moment-là que la bataille que la prière de Al-Khawf a été révélée. La prière de la crainte a été révélée après ça. Donc, ils ont dit, la prière de la crainte a été uniquement révélée à cause de Salat al-Khawf bi Usfan. Alors, c'est à Usfan que ça a été révélé, comme ça a été rapporté selon Abu Ayyash al-Zuraqi. Il dit, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Usfan, et il a prié le dhuhr avec nous, et à ce moment-là, c'était Khalid ibn al-Walid qui était le chef de l'armée des mouchriquins, qui était le chef de l'armée des mouchriquins. Et les mouchriquins ont dit, hein, on a trouvé une occasion de les attaquer parce qu'ils ont une prière qui va venir, la prière de Asr. Et ils ont dit, les mouchriquins ont dit, cette prière, elle est plus aimée d'eux que leur bien et leurs enfants. Et c'est à ce moment-là que Allah a révélé, yani entre la prière de Dhuhr et l'Asr, le verset au sujet de la prière de la crainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc prié avec eux en divisant les rangs, hein, en divisant les gens en deux groupes pour faire la prière, pendant que un groupe prie, l'autre groupe surveille. Et donc ça a été rapporté dans le hadith, et c'est rapporté par Ahmad, Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc on voit que à cause de ça, certains ulama ont considéré que cette bataille de Zat al-Riqa s'était pas produite à cet endroit à ce moment-là, mais ça s'est produit plus tard. Il dit wa Abi Huraira radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nazilan bayna Dajnan وعسفان محاصرا المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم وأجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. Donc c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam descendait entre Dajnan et Usfan, ces deux régions, et il venait pour encercler ou bien assiéger les mouchriquins. Et les mouchriquins ont dit, ces gens-là, ils ont une prière, ils préfèrent cette prière à leurs propres enfants et à leurs propres chameaux ou leurs biens. Donc, réunissez-vous tous et attaquez et foncez tous sur eux d'un seul coup à ce moment-là, au moment de cette prière. Et Jibril est venu, alayhi salam, et il a ordonné donc, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la prière de la crainte et de séparer les compagnons en deux groupes. Et il a mentionné le hadith rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Il a dit c'est un hadith qui est Hassan Sahih. Il dit ensuite وَقَدْ عُلِمَ بِلَا خِلَافٍ أَنَّ غَزْوَةَ عُسْفَانٍ كَانَتْ بَعْدَ الْخَنْدَقِ فَاقْتَضَ هَذَا أَنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ بَعْدَهَا بَلْ بَعْدَ خَيْبَرٍ ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها. أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت وسميت بذلك. فسميت بذلك. أما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. Donc il dit que on sait, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de divergence sur le fait que la bataille de Usfan était après Al-Khandaq. Et donc ça implique que la bataille de Dhat al-Riqa était après la bataille de Al-Khandaq, même après la bataille de Khaybar. Donc il dit, et qu'est-ce qui vient supporter cette position-là? C'est que Abu Musa al-Ash'ari et Abu Huraira radiyallahu anhuma ont été présents dans ces deux batailles-là. Et que Abu Musa al-Ash'ari, il mentionne, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim qu'il a été présent dans la bataille de Dhat al-Riqa' et qu'ils l'ont appelé la bataille Dhat al-Riqa' justement parce qu'ils ont enroulé des morceaux de tissu sur leurs pieds, hein, à cause des ampoules qu'ils avaient, hein, à force de marcher. Donc ils entouraient leurs pieds avec des tissus, des morceaux de tissu pour marcher. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé cette bataille Dhat al-Riqa'. Et il dit qu'Abu Huraira a dit, ça a été rapporté selon Marwan ibn al-Hakam, qu'il a posé la question à Abu Huraira, est-ce que tu as prié la prière de la crainte avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit oui. Il a dit quand? Il a dit c'est l'année de la bataille de Najd. La bataille de Najd, c'est Dhat al-Riqa'. Et il a mentionné la façon dont, il a mentionné une façon parmi les façons dont on priait la prière de la crainte. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et An-Nasa'i. Il dit, وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّارِيخِ إِنَّ غَزْوَةَ ذَاتَ الرِّقَاعِ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةِ وَاحِدَةً كَانَتْ قَبْلَ الْخَنْدَقِ وَأُخْرَى بَعْدَهَا قُلْتُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَّجِهُ لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان. Il dit que certains parmi les savants parmi les historiens ont dit que la bataille de Dhat al-Riqa' s'est produite plusieurs fois, plus qu'une fois. Il y a eu plusieurs batailles qu'on a appelées Dhat al-Riqa'. Une d'entre elles était avant Al-Khandaq et une après Al-Khandaq. Et Ibn Kathir, il dit, excepté que, on ne peut pas dire que dans la première, on avait fait la prière de la crainte, si le hadith en question est authentique sur le fait qu'elle a été uniquement ordonnée pendant la bataille de Usfan. Il dit, وَقَدْ ذَكَرُوا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نظر لأنه جاء عن أن ذلك كان في غزوة تبوك إلا أن هذا أنسب لما أنه قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له ومنها حديث جابر رضي الله عنه أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهرقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو وهم عباد بن بشر عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما فضرب عبادا بن بشر بسهم وهو قائم يصلي فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم يعني وأنبهه صاحبه فقال سبحان الله هل انتبهت ألا أنبهتني سبحان الله فقال إني كنت في صورة كرهت أن أقطعها سبحان الله. Tu vois les sahabas, ça c'est incroyable. Et ils ont mentionné que parmi les événements qui s'étaient produits dans la bataille, dans cette bataille, l'histoire du chameau que un compagnon avait vendu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'est l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait acheté un chameau d'un compagnon, puis après il lui a redonné en sadaqa, ou je sais pas, je me rappelle plus les détails, mais il dit, mais par contre ça c'est pas certain, parce que certains ont mentionné que ça c'était plutôt dans la bataille de Tabouk. Il dit sauf que ce serait plus correct de, que ce soit à cette bataille-là, puisque son père avait été tué. Hein, le père de Jabir avait été tué. Et Jabir, il avait plusieurs sœurs. Et étant donné que son père était mort, il n'y avait plus personne pour s'occuper d'elle, alors Jabir a eu besoin de se remarier rapidement pour pouvoir hein, s'occuper de ses sœurs, trouver une femme qui allait pouvoir s'occuper de ses sœurs. Et c'est lui à propos duquel le messager d'Allah avait dit j'ai appris que tu t'es marié. Il a dit oui, je me suis marié effectivement. Il a dit, est-ce que tu as épousé une jeune fille vierge avec qui tu pourras t'amuser et avoir du plaisir avec elle et jouer avec elle? Et il lui a dit non, parce que étant donné que j'ai épousé une femme qui n'était pas vierge, c'est-à-dire une femme qui avait été divorcée ou une veuve ou une femme divorcée pour pouvoir s'occuper de ses sœurs. Hein? Donc il a vu l'intérêt de ses sœurs avant son propre intérêt. Et donc pourquoi? Parce que son père était décédé pendant la bataille de Uhud. Donc ça aurait fait plus de sens que ce soit dans cette bataille-là. Et il dit que Jabir, le hadith de Jabir qui mentionne également que un homme parmi les mouchriquines, sa femme avait été prise en prisonnière. Et il avait juré qu'il allait tuer ou bien qu'il allait faire couler le sang des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est venu pendant la nuit, hein, puis il a surveillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé, avait mis sur place des compagnons pour veiller, hein, surveiller pendant la nuit contre des ennemis. Et c'était deux parmi les compagnons qui veillaient la garde. Il y avait Abbad ibn Bishr et Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhumah. Alors l'homme, le mouchrik est venu pendant la nuit pour attaquer les musulmans. Il a trouvé ces deux hommes-là qui surveillent. Alors il a envoyé une flèche. Il a tiré une flèche sur Abbad ibn Bishr. Mais lui, Abbad ibn Bishr était en train de faire la salat. Alors la flèche l'a frappé, il l'a retiré, puis il a continué sa salat. Et il dit, après il a été frappé encore par trois autres flèches. Il a continué sa prière quand même jusqu'à ce qu'il fasse le taslim, hein, il a fait le taslim, puis il a averti son compagnon Ammar pour lui dire, j'ai été frappé, il y a quelqu'un qui m'a tiré, hein. Quatre flèches, subhanallah. Et Ammar a dit, pourquoi tu ne m'as pas averti? Il a dit, j'étais en train de réciter une sourate et je ne voulais pas la couper avant de la terminer, subhanallah. Tu vois à quel point ces gens avaient la foi, hein? C'était pas des blagues, yani. Il dit wa minha hadith yani Ghawras ibn al-Harith alladhi hamma bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qa'ilun tahta ash-shajara fastalla sayfahu wa arada darbahu fa saddahu Allah anhu wa habas wa hubisat yadahu. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه فأخبرهم عنه وما هم به غورث من قتله ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع إلا أنها التي بعد الخندق الخندق كما أخرجاه في الصحيحين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على الشجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ السيف فاخترطه أي سله فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال فتهدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف علقه وقال فنودي بالصلاة فصلى طائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان واللفظ لمسلم. Donc il mentionne un dernier point par rapport à cette bataille. C'est la bataille par rapport à la bataille de Zat al-Riqa', il dit qu'il y a un autre événement qui prouve que cet événement-là s'était produit après Al-Khandaq et non avant. C'est qu'est-ce qui est arrivé avec Rawrath ibn al-Harith, qui a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait une sieste en dessous d'un arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accroché son épée sur une branche. Et il est venu, lui, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait, et puis il a pris l'épée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a dégainée. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est réveillé à ce moment-là, puis il a trouvé l'homme, le mouchrik, avec son épée dans sa main, voulant tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là, c'est comme si on dirait que il n'a pas été capable de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a échappé l'épée est tombée de ses mains. C'est comme s'il est devenu paralysé, il ne pouvait plus rien faire. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses compagnons, ils sont arrivés et il leur a dit que cet homme-là voulait le tuer. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épargné, il l'a laissé partir. Et ça s'est passé dans la bataille de Zat al-Riqa', mais ça c'était après le Khandaq, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Jabir ibn Abdillah, qui mentionne que, il dit, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que nous arrivions à Zat al-Riqa', la bataille de Zat al-Riqa', il dit, et quand on est arrivé vers un arbre où il y avait de l'ombre, on l'a laissé pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse se reposer. Et un homme qui est venu parmi les mouchriquins, il a trouvé l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam accrochée dans l'arbre. Alors il a pris l'épée, il l'a dégainée. Et il a dit au messager d'Allah, est-ce que tu as peur de moi? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Alors il a dit, qui va t'empêcher, hein, qui va m'empêcher de te tuer maintenant? فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي. Qui va m'empêcher de te tuer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah. Et c'est à ce moment-là que il a échappé son épée, hein. Il a échappé. Sa main est devenue paralysée. Il ne pouvait plus rien faire. Alors, les sahabas sont arrivés. Hein, et les compagnons, ils ont voulu, comme ils l'ont menacé et tout. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé partir. Après, ils ont appelé à la prière et ils ont fait rak'atayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait rak'atayn avec un groupe. Puis le groupe qui avait prié se sont reculés. L'autre groupe qui n'avait pas prié sont venus devant. Il a prié rak'atayn avec le deuxième groupe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié 4 rak'at et les gens avaient prié chacun 2 rak'at. Et c'est comme ça que la prière de la crainte avait été révélé à ce moment-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera la suite au cours précédent inshallah. Puis il y a toujours le cours numéro 3 qui est manquant. J'ai réalisé ça en faisant la vérification des cours. J'ai constaté qu'il manquait, il y a un cours qui a été perdu, le cours numéro 3. Donc je vais voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis on va le refaire inchallah si c'est nécessaire. Donc oui, barakallahu fik, wa alaykum salam wa rahmatullah. On va s'arrêter ici inchallah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.